Au Pérou, le séminaire sur les exploits de direction dans l'édification du parti, accompli par les grands leaders Kim Il-sung, Kim Jong-il et Kim Jong-un, a eu lieu le 12 à Lima. Dans la salle étaient exposés les portraits souriants du président et du général et les photos de Madame Kim Jong-suk, héroïne anti-japonaise. Y ont pris part les personnalités de différents milieux des partis politiques et formations sociales, les habitants du Pérou, ainsi que le chargé d'affaires par intérim coréen et ses collaborateurs. Tout d'abord, il y a eu les paroles de félicitations du président du Front populaire ouvrier, paysan et étudiant du Pérou en l'honneur du président du Parti du Travail de Corée, Kim Jong-un. Ensuite, il y a eu les interventions sous thème « Exploits de direction dans l'éducation du parti des grands leaders Kim Il-sung, Kim Jong-il et Kim Jong-un, histoire de l'éducation du Parti du Travail de Corée, etc. »